poussière danse autour de moi. Chaque pas brûle comme une loi. Je suis raide de ce qu'il est la voix qui guide. Chaque instant marque une oreille. Je suis l'ombre et je suis la flamme. Le feu qui consume vos âmes. Je prends vos rêves. Chaque vue retient ma voix, chaque vibration vous mène à moi. Je suis la braise qui ne s'éteint pas, l'éclair. Rider skin.